l'antichambre Radio Les Bords 105.9 comme chaque jeudi soir avec votre serviteur Albert et l'oncle Ben. Bonsoir Albert. Comment vas-tu ? Ça va très bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas croisé dans les studios de Radio Les Bords, donc là on a eu le temps d'accumuler des nouveautés. Voilà, on est de retour avec la besace bien pleine, un petit peu dans l'ordre chronologique de mes découvertes et de mes acquisitions. Moi j'ai décidé ce soir de vous présenter un label qui nous vient de Berlin qui s'appelle Tropical Diaspora. Ce sera en tout cas ma première partie d'émission. D'accord, et puis moi ça sera orienté funk et ça sera deux groupes, donc deux nouveautés, Do Right et le groupe aussi qui s'appelle Diaspora. Et bien puisque ce sera new funk, on va dire, moi je resterai dans le ton avec des morceaux funk et aussi latin funk, puisqu'on aura Jungle Fire qui est revenu avec un excellent deuxième album, et puis un peu de Speedometer, MAPA, enfin voilà, quelques nouveautés funk. Voilà, donc un programme bien chargé, donc je propose qu'on attaque tout de suite avec la présentation du nouveau label que tu as découvert. Donc je vous présente rapidement ce tout nouveau label qui a émergé il y a quelques temps, qui s'appelle donc Tropical Diaspora et qui est basé à Berlin, qui s'est spécialisé uniquement dans les sorties en vinyle, mais également dans l'organisation de concerts et d'événements, et puis surtout qui axe tous ses projets autour du principe de la diaspora culturelle africaine, donc avec une mission clairement affichée de diffuser, de promouvoir cet héritage tant musical que culturel. Donc en gros, leurs sorties sont très métissées, ils vont taper un peu dans tous les continents qui produisent des saveurs, on va dire, exotiques, donc l'Afrique forcément, mais également l'Amérique du Sud. Très bien, donc tout ce qui te plaît fortement d'ailleurs. Oui, tout à fait, c'est ce qui me plaît, c'est ce qu'on aime aussi dans l'antichambre. Donc à leur actif, ils ont 3 sorties de 45 tours et un EP. Au niveau des 45 tours, ils ont sorti un peu le premier qu'ils ont sorti à deux faces assez différentes, puisque sur la première, c'est The Super Spanish Combo, un groupe qui met le latin... afro-latine et hip-hop, et qui nous vient de Barcelone. Alors qu'en face B, c'est une réédition d'un vieux morceau samba rock brésilien qui date de 76, c'est Banda Jardes, c'est le morceau Grillos da Vida, visiblement un morceau très très rare dont l'original est quasiment introuvable. Un peu dans le même esprit que ce que fait Mr Bongo avec son label de rééditer des choses. Ouais, voilà, un petit peu rare et cher. Ouais. Le deuxième 45 tours qu'ils ont sorti, donc c'est encore un groupe espagnol qui nous vient de Galice, c'est The Transylvanians. Et eux, ils ont sorti deux reprises en ska, deux reprises de vieux morceaux, un de Laurel Atkin, une légende du ska, et puis l'autre d'un pianiste qui nous vient de la Nouvelle-Orléans, Clarence Henry. Et puis du côté du EP dont je parlais au début, donc c'est le deuxième projet de La Dame Blanche. Donc on a pu voir du côté de Chambéry il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a 2 ans. Voilà, donc c'était pour le festival Urban Jam qu'on organisait. Donc voilà, qui mêle cumbia, sonorité traditionnelle et puis des choses plus modernes, plus urbaines, donc un peu de hip-hop. On peut citer que son compère de toujours, El Hero de la Cumbia, donc participe également à la production de cet album. Donc un EP de 8 ou 9 titres, donc qui est ma foi pas mal du tout. Donc on va s'écouter 3 morceaux, un extrait de chacun de ces 3 disques. On commencera donc avec La Dame Blanche et le morceau 5h du matin en espagnol, désolé pour mon espagnol, Las 5 AM en version anglaise en featuring avec le chanteur Delta 8. Ensuite on aura The Super Spanish Combo avec Mataron and Juan Andres. Donc un morceau qui visiblement dénonce un peu les violences policières à Barcelone, plus précisément dans le quartier dont ils sont originaires, El Raval. Et on terminera avec Transylvanian, c'est Boogie in My Bones, donc la reprise de Laurel Aitken. Et c'est très bien tout ça, donc direction ce nouveau label allemand aux sonorités latines et afro. Donc restez sur la fréquence des 105.9 de Radio et les Bords dans cette nouvelle émission du mois de mars de l'Antichambre. La Dame Blanche, final. Listen, boy. Son las 5 de la mañana, oh, me pregunto quién ganó. Son las 5 de la mañana y vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Aterrizo, sí o no. Son las 5 de la mañana, oh, me pregunto quién ganó. Son las 5 de la mañana y vuelo, vuelo, vuelo, vuelo, vuelo. Estoy tocando el cielo, una cerveza por minuto, 10 tequila por hora. Así anestesia pasa rápido. Mataron a Juan Andrés, lo mataron allá en el Raval. Víctima del abuso de la fuerza policial. En el Carrera Aurora aún se llora, señora, por la muerte de un inocente, un chico decente que pedía auxilio a gritos. Y es triste, en YouTube ves cómo mataron a Juan Andrés. Mataron a Juan Andrés, lo mataron allá en el Raval. Mañana siguiente a los vecinos despiertan puerta por puerta, alertan que borren cualquier tipo de grabación o prueba y que nadie lo mueva a las buenas, bueno, si no quieren tener problemas. Mataron a Juan Andrés, lo mataron allá en el Raval. Víctima del abuso de la fuerza policial. Yo solo denuncio al policía corrupto. Se siente ardido quien tapa el bulto. Cómplice silencioso, guarda la conciencia el crimen monstruoso de Mosu. Sin justicia no hay reposo. Mataron a Juan Andrés, lo mataron allá en el Raval. Víctima del abuso de la fuerza policial. Mataron a Juan Andrés, lo mataron allá en el Raval. Víctima del abuso de la fuerza policial. Donc voilà pour ce petit aperçu rapide donc, du label Tropical Diaspora. Donc, fort intéressant. Fort intéressant et voilà, je pense que ça vaut le coup de suivre de près un peu leur prochaine sortie. Et puis on les remercie aussi d'avoir partagé avec nous ces sorties vinyles. Et bah, très bien tout ça. On enchaîne avec mes deux petites découvertes. Donc la première, et bah, c'est un album où on y retrouve le producteur et rappeur indépendant qui nous vient des États-Unis qui s'appelle J-Zone, qui est quand même un vieux de la vieille. C'est aussi un auteur en fait, il écrit des très très bons bouquins, de très bons articles, tout ça. Et donc il a décidé de fonder un groupe. Alors lui, il est à la base un joueur de basse, il s'est mis à la batterie et avec son ami Pablo Martin qui est un guitariste. Donc ils ont fondé The Do Right. Donc ils ont donc ce premier album qui s'appelle J-Zone and Pablo Martin are The Do Right. Donc ça a aussi un peu dans le funk 60-70, un peu comme The Mentors. Ils ont beaucoup de références de ces époques-là. Donc c'est assez minimaliste puisqu'en fait donc il y a guitare, basse, batterie, synthé, orgue. Donc c'est vraiment juste eux deux qui font tous ces instruments. D'accord, ouais, je suis vraiment curieux d'entendre ça parce que J-Zone quand il faisait des morceaux rap, c'était plutôt un peu abstract, enfin assez dark, j'ai toujours trouvé. Et là, je suis intéressant de le découvrir sous cette facette-là. Voilà, donc c'est pas du funk comme on a l'habitude, assez lourd, on va dire. C'est très minimaliste, mais voilà, vous allez voir ça. Intéressant. La batterie est très présente. Donc on écoute trois titres de ce nouveau groupe, ce nouvel album. Et puis après, on écoutera un groupe donc, qui s'appelle Diaspora. J'avais découvert ce groupe sur un 45. Alors je sais jamais si c'est sur Kept Record ou chez Our Label. Un groupe, je pense que ça doit être son deuxième album, ça s'appelle Islands. Et là, c'est du funk beaucoup plus massif, beaucoup plus produit, même latine, même un petit peu afro. En tout cas, vraiment dans la tendance de l'émission d'Antichambre. Et c'est Léger Recording, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça, d'accord, oui. Okay. Ouais, tout à fait. Okay. Voilà, donc on s'écoute tout ça, puis on revient après pour la suite de l'émission sur les 105.9 de Radio et les Bords. Just trying to figure it all out, cause I'm grown now. Do something about it. Do something about it. As well as you know how. the bass drum. Now that you know how to work the bass drum, let's add the snare drum. Listen. Now it's your turn to play along with me. Do something about it. It's your man Chief Chinchilla, the onion ring pimp, the furgler. I'ma let you know about these do-rights, man. The do-rights, they'll put a ham hock in your oatmeal. They'll put ripple in your wheatgrass shot. And they'll put more fungo in your kale salad. This is Pimpin' Polyester Pete. And I'ma let you know right now, the do-rights are too bad for motherfucking individuals. On all guitars leading rhythm, all things that go pluck pluck, bass guitar, synthesizers, and all things off the wall. We have a Taurus from Buenos Aires, by way of NYC, Mr. Pablo Martin. James Old. And if the do rights ain't on down and eat your oatmeal in the morning, but you couldn't find a banana to put in it. So you put a neck bone in it. Voilà, c'était un extrait, donc trois extraits même, du nouvel album du groupe Diaspora qui s'appelle Islands. Donc on a écouté le premier qui s'appelait Kinshasa Strut, ensuite on a eu Moon, et là on termine avec Nap Extra Long. Donc deux morceaux bien bien dynamiques en tout cas, je sais pas comment est le reste de l'album. Ah, ça reste dans le même, du même acabit. D'accord, hein, donc... très bonne découverte. Merci. Voilà, puis avant, on s'écoutait donc de Do Right avec donc 4 titres. C'était Doing It, Get and Off, Neck Bones and The Chief and I. En tout cas, des groupes dont on peut retrouver certainement d'autres morceaux sur The Groove Factory, notre web radio, qui diffuse, sur laquelle on diffuse également cette émission, l'Antichambre. Mais voilà, toutes les nouveautés funk du moment, en général... sont rentrés ou finissent toujours par être rentrés dans le programme de The Groove Factory. Et bah très bien, ouais. Et puis donc c'est sur radio-elebor.com. Dans le bouquet des web radios, il y en a 8. Et nous, on s'occupe de The Groove Factory, donc tout ce qui est funk, afro, latine, hip-hop, reggae également. Voilà, donc prêtez-y une oreille attentive. Et bien, on va terminer l'émission avec une nouvelle sélection de nouveautés de DJ LBR, des morceaux d'ailleurs qu'on retrouve aussi sur The Groove Factory, par exemple le nouveau Jungle Fire. Exactement. Allez, j'y vais. Allez, c'est parti. Restez sur les 105.9 de Radio Elebor. We'll be right back. le groove latin de Jungle Fire. Si je baissais les bons boutons, ça serait bien. Hein. Exactement, je disais bien qu'il manquait un petit quelque chose. Donc voilà, tu l'as dit, le Latin Funk endiablé de Jungle Fire, donc qui est revenu tout récemment avec un deuxième album, Jambu, dont on s'est écouté deux morceaux. Donc à l'instant, c'était Bélé Bélé, et le tout premier morceau de la sélection, c'était La Cosa. Donc on avait adoré le premier album, on adore tout autant le deuxième. Et on a déjà hâte à un troisième. Voilà, donc groupe qui nous vient de Californie, dont à coup sûr on s'écoutera d'autres morceaux à l'avenir. Ensuite, on a écouté un morceau qui était plus produit, moins joué. C'était le producteur MAPA du label Cold Busted, un très bon label, très prolifique, qui nous sort régulièrement des très bons titres. Donc, a sorti un petit 45 aussi tout récemment. Et là, on a écouté le morceau B-Boy Stance, qui, comme son nom l'indique, est taillé pour les breakers. Et puis ensuite, le troisième morceau de la sélection, l'avant-dernier, c'était Speedometer, qui vient aussi de sortir un excellent album. Ça faisait un petit moment d'ailleurs hein, qu'ils étaient oui. pas là. Ouais, mais tout vient à point à qui sait attendre. Ils ont sorti un très bon album, dont est extrait un petit 45 tours, dont on a écouté la face B et le titre Tomahawk. Voilà. Eh ben c'est parfait. Je pense que t'as d'autres titres à nous jouer là. Ouais, voilà. Là c'était les nouveautés. J'ai prévu d'autres choses. C'est moins de la nouveauté. C'est des choses qui sont sorties récemment, on va dire, histoire de boucler l'heure d'émission. Donc on peut attaquer tout de suite avec un petit Big Pim Jones et on vous donne rendez-vous jeudi prochain 21h sur Radio Hellebore et The Groove Factory. Voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble de la playlist quand l'émission sera en ligne ce week-end sur nos Mixcloud. Voilà, donc à la semaine prochaine. Ciao. We'll be right back.